venu en ce jour lui rendre hommage et la servir, êtes-vous disposé à la reconnaître ? 89. Elisabeth II. CKRL.QC.CA. Et couronnée. Et chères auditrices, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1 en direct du studio de Limoilou, Myriam Leland et Gentiane Lafrance. Bonsoir Myriam. Bonsoir Gentiane. Et ce fut bref notre retour en studio. Oui, exactement, parce qu'on ne sera pas de retour en direct la semaine prochaine. Vous l'aurez deviné si vous avez écouté Monsieur Legault aujourd'hui faire ses annonces. On tombe dans le noir. Donc, oui, ce soir, à l'émission, je me suis entretenue avec les artistes Audrey Demers-Roberge et Sarah Leroux pour parler de leur projet, un projet éclair qu'ils ont préparé pour l'espace parenthèse au Cégep de Sainte-Foy. Donc, une première collaboration pour les deux artistes qui sont aussi des amis dans la vie. Et ensuite, notre chroniqueuse de la semaine, Cassandra Graham, nous donne ses impressions de l'exposition « L'année du déluge » de l'artiste Lindsay Montgomery, qui est présentée à la Galerie 3. C'est toi, Myriam, qui s'est entretenue avec elle pour cette chronique. Oui, c'était très intéressant. Cassandra est une grande fan de Lindsay Montgomery, donc c'était vraiment intéressant de l'entendre à ce sujet-là. Il y avait beaucoup d'émotions positives. Oui, définitivement. Ah, wow, c'est des belles chroniques, ça. Et ensuite, Myriam, c'est toi qui te lance dans l'entrevue en direct pour oui, la deuxième partie de l'émission. Exactement. Donc, moi, je vais être en Zoom avec Christina Fortin et Valérie Boulevin pour parler de l'exposition « Pouvoir » entre parenthèses S au MNBAC, au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est dans l'Alcôve École, c'est le premier projet de l'Alcôve École qui se retrouve dans les salles du Gérard Morisset. Donc, en studio, je vais être en Zoom avec elle, mais vous allez entendre leur magnifique voix comme à l'habitude en ondes. Puis ce soir, ben ça fonctionne aussi avec la pluie, avec l'annonce de la région noire. Simon et Roy filaient ensoleillé cette semaine avec sa suggestion, sa sélection musicale. Il nous présente l'album Carolina du chanteur brésilien Seu Jorge. Si vous êtes comme moi, fan du cinéma de Wes Anderson, vous avez pu l'entendre reprendre les grands classiques de David Bowie à la sauce bossa nova dans le film Life Aquatic, qui est un de mes préférés d'ailleurs. Donc ce soir, on écoute le doux rythme de Samba accompagné de sa voix charismatique de baryton. On se laisse tout de suite sur une pause audio éponyme de l'album, donc Carolina également. Puis au retour de la pause, Gentiane, on t'entretenir avec Audrey Demers-Roberge. Et Sarah Leroux. Et Sarah Leroux, exactement. Só quero amar você, Carolina, preciso te encontrar. Ô, Carolina. meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, você é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Vous êtes de retour à l'aérospatiale. J'entends la France au micro avec vous. Et j'ai avec moi, au bout du fil, Sarah Leroux et Audrey Demers-Reberge. Bonsoir les filles. Bonsoir. Allô. Je vous ai invité parce que vous présentez un projet en commun pour une première fois. C'est une première collaboration que vous faites, que vous présentez à l'espace parenthèse au Cégep de Sainte-Foy. Et ce projet se nomme « Quelques tranches ». Et j'aurais envie d'abord de vous lancer là-dessus, Audrey Demers-Reberge. Pourquoi ce titre « Quelques tranches » OK, bien, en fait, c'est un projet qui s'est construit vraiment rapidement. Là, en dedans d'une semaine et demie, on devait présenter une exposition en respectant certaines règles, comme exemple, les œuvres doivent être à 2 mètres, par exemple, d'elles, entre elles. Donc, on avait quelques contraintes, mais on s'est dit, let's go, on y va, on fait notre premier projet ensemble. Donc, les quelques tranches, c'est 8 bannières qu'on a fait, qu'on a imprimées, qui peut mesurer jusqu'à peut-être 10 pieds de long, parfois par peut-être 42 pouces de largeur, qu'on a installé à partir du plafond dans la salle d'exposition. Puis, c'est quelques tranches on a toutes fait les œuvres à distance. Donc, on a fait comme du collage numérique à partir de quelques tranches de dessins, des carnets de voyage, des dessins qu'on a faits depuis peut-être 2009-2010, des photos aussi qu'on a prises, puis on a mélangé tout ça ensemble pour faire les 8 bannières, dans le fond. De là vient un peu le quelques tranches. Puis si je peux ajouter aussi, je pense qu'il y a aussi la notion de, ben comme Audrey parlait, de voyage aussi, mais il y a comme un peu la notion de tranche de vie, un peu. Comme on a travaillé on a travaillé avec comme nos archives personnelles en dessin, parce que Audrey et moi on travaille beaucoup en dessin chacun de notre côté, puis on avait envie de mettre ça en commun, mais on savait pas trop sous quelle forme ça allait prendre. Et puis là finalement on a mis comme toute notre documentation de dessin des dernières années dans un fichier numérique qu'on s'est partagé. Puis on est juste allé chacune piger là-dedans, donc dans les dessins de l'autre, puis on les a comme réorganisés dans des nouvelles images, un peu selon notre style à chacun, puis ça donne quelque chose de... qui est finalement un peu, c'est ça, un peu une tranche de nos deux vies, finalement, parallèlement, en dessin, je dirais. Donc, c'est des tranches de vie croisées, si on veut, de vos carnets de dessin. Et puis, c'est intéressant parce que là, on parle de travailler à partir d'un corpus qui s'est créé sur plusieurs années. Mais la sélection, vous l'avez faite de manière croisée. Donc, Sarah, toi, tu es allée sélectionner dans les œuvres d'Audrey Demers-Reberge. Et Audrey, tu es allée sélectionner dans les œuvres de Sarah. Est-ce que je comprends bien votre processus? Ouais, c'est oui, c'est exact. Et puis, on a aussi... donc, Finalement, moi, j'ai travaillé pas mal avec le stock d'Audrey, donc le matériel graphique d'Audrey qui existait déjà, mais je suis allée comme le réorganiser selon Sarah Leroux, et Audrey a fait la même chose. Mais il y a certains moments qu'on a aussi ajouté des dessins aussi de la personne qui l'a fait. Donc, des fois, il y a les deux, les dessins des deux qui se côtoient sur la même image aussi. Un peu à la manière d'un cadavre exquis, avec on rajoute quelque chose, puis on y va à relais, là. Oui, puis il y a vraiment un effet particulier, tu sais, quand Sarah m'a montré les premières œuvres qu'elle a faites. J'aime bien dire qu'elle a fait, c'est Sarah selon Audrey, par exemple, et Audrey selon Sarah. Quand j'ai vu les premières œuvres arriver de Sarah, j'ai trouvé ça profondément drôle de voir comment Sarah essayait de construire une image qui réfère à mon style personnel, puis moi, à l'inverse, à son style dans sa pratique. Puis ça a créé vraiment une espèce d'ambiance, moi, je dirais funky, où on s'est permis de rire, de faire des trucs spontanés, d'aller plus dans la rapidité de création que dans la réflexion, par exemple. Puis il y a eu comme... ça a vraiment amené une espèce de rafraîchissement à l'œuvre, si on peut dire, une genre de fraîcheur. Et c'est la première fois que vous collaborez ensemble, puis vos univers sont quand même, tu sais, oui, ensemble, j'imagine que ça peut être assez ludique, assez funky, mais vos univers sont quand même assez différents. Comment vous voyez cette interprétation-là par l'autre? En quoi ça transforme votre univers? Je commencerai peut-être par Sarah. En quoi le regard d'Audrey est venu transformer ton univers artistique? Bien, je dirais, Audrey, moi, en fait, c'est assez complémentaire dans un sens qu'on fait, parce que Audrey, elle s'intéresse, ben corrige-moi Audrey là, si je me trompe, mais Audrey s'intéresse beaucoup aux éléments naturels, donc elle va beaucoup réinterpréter des éléments naturels comme des feuilles, des fleurs, des éléments vivants, des champignons, des troncs d'arbres, etc. Elle va beaucoup travailler avec ce matériel-là. Alors que moi, je suis au contraire beaucoup intéressée par les objets industriels particulièrement, et puis la poubelle, en fait. Donc, on est les deux, en fait, on parle les deux quand même des choses dans l'environnement qui nous entoure, mais on ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Et puis, Audrey, elle travaille souvent en tas, comme je dirais, où elle travaille beaucoup comme de façon, elle va mettre beaucoup d'éléments sur une même feuille, par exemple, ou une même image, comme elle va faire un espèce de, je sais pas comment dire, un récif ou un espèce d'amalgame d'éléments naturels, alors que moi, souvent, ça va être un peu des objets qui flottent sur la feuille. Fait qu'il y a quelque chose qui se répond un peu dans notre façon d'appréhender le dessin en général, mais aussi dans ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on aime dessiner. Puis c'est ça qui est chouette, en fait. Moi, je suis une grande fan du travail d'Audrey depuis que je la connais. Finalement, j'aime beaucoup son travail en dessin. Mais les deux, on a quand même, je dirais aussi, la passion du dessin. On aime beaucoup dessiner. On aime dessiner avec n'importe quel genre de crayon. On aime dessiner sur... On dessine constamment depuis très, très longtemps. Puis j'ai l'impression qu'on se rejoint quand même finalement beaucoup là-dedans aussi. Mm-hmm. Oui, bien, je pense que ça a été... C'est important pour nous de regarder l'environnement puis de le cerner en dessin, tu sais. C'est comme juste naturel, là. On arrive en voyage, par exemple, dans des nouveaux lieux, puis on ouvre le carnet de dessin, on dessine ce qu'il y a autour. Moi, j'ai toujours envie de comprendre les formes en les dessinant, tu sais. Sarah aussi avec... par exemple, les poubelles, comme elle disait, les objets qu'on trouve au sol. Mais donc, c'est ce qui vous lie, en quelque sorte, c'est ce qui vous unit un peu dans la pratique du dessin. Puis je te relance sur ma question de départ. Audrey, comment t'as trouvé que le regard de Sarah sur ta pratique artistique, sur ton univers artistique, comment ça venait le transformer? Ouais, ben comme Sarah disait, j'ai une forte tendance à faire comme un trop-plein. Mes dessins, c'est il y a pas d'espace, il reste pas d'espace, tout est rempli, ça peut être énormément texturé, énormément chargé. Tandis que Sarah, c'est assez aérien, parfois minimaliste. Les vides sont vraiment importants, tu sais, dans l'espace. Fait que quand j'ai vu, je pense, la première bannière qu'elle a fait, toute mon œuvre, en fait, était super aérienne, à respirer. Elle était aussi très élégante, mais je reconnaissais toutes mes fascinations, tu sais, les éléments que j'utilise comme géologiques, des textures, beaucoup de textures, mais Sarah le rendait comme plus aérien, plus, comment dire, qui respirait beaucoup plus, là, avec une composition complètement différente de ce que je ferais habituellement. Là. Oui. Comme une espèce de fragmentation un peu du motif où l'espace vide vient jouer un autre rôle. Oui, ben, je pense qu'elle a toujours travaillé comme ça, Sarah, ou comme elle disait, les objets flottent. Là. Donc, c'était vraiment intéressant de voir parfois de mes dessins qui flottent sur des photographies que j'ai prises, par exemple. Mais c'est ça, toujours avec une espèce de design. Sarah a vraiment une esthétique propre, là, très, comment dire, t'sais, elle s'intéresse aux objets, mais tu sais, aux emballages, par exemple, que ce soit des emballages de produits asiatiques ou des choses comme ça. Puis ça se voit aussi dans son esthétique, tu sais, qu'elle développe un peu, comment dire, un design d'objet, là. Je sais pas trop comment le formuler, mais ça développe un style où il y a les couleurs, par exemple, se répètent, puis les objets ont toujours comme cette faculté-là de flotter. C'est très, très intéressant. J'ai hâte de voir ça. On peut aller faire un tour à l'espace parenthèse au Cégep de Sainte-Foy. On évite évidemment d'être en groupe. On y va en solo ou en duo pour pas perturber les règles sanitaires à suivre au Cégep. Et on a à peu près jusqu'au 11 avril pour aller voir cette exposition-là. Donc quelques tranches de Sarah Leroux et Audrey Demers-Reberge pour une première collaboration. Merci beaucoup, les filles. Merci, à toi. Bonne journée. Rebienvenue à l'aérospatiale. Myriam Leland, toujours au micro. Et j'ai avec moi ce soir Cassandra Graham, qui est notre chroniqueuse de la semaine. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir. Donc, cette semaine, Cassandra, tu avais envie de nous parler de la nouvelle exposition à la Galerie 3, qui est une exposition de pièces toutes récentes de l'artiste Lindsay Montgomery. L'exposition s'intitule « L'année du déluge ». Elle est ouverte au public depuis le 20 mars dernier, puis se prolonge jusqu'au 18 avril prochain. Toi, tu as été la voir, on a ta première impression, là, parce que tu as été la voir tout fraîchement ce matin. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette exposition-là? Ben moi, tout d'abord, je pourrais commencer par dire que je suis vraiment une fan de son travail. Alors, c'est sûr que je suis partie avec aller voir cette exposition avec l'idée que déjà je pensais que j'allais vraiment aimer ça. Alors, déjà en partant, j'étais un petit peu biaisée, mais bon. Mais puis, c'est un bon billet, par contre. Ben quand même. Puis c'est ça. Dans le fond, comme la galerie 3, comme vous le savez peut-être, est divisée en deux salles. Puis l'exposition de Lindsay occupe la deuxième salle de la galerie. Puis par contre, dans la première salle, quand on entre, je veux juste dire cette petite anecdote-là parce que c'est vraiment le fun. Quand on entre, on est accueillis par deux gros chats, des gros chats de céramique. Oh, oui. Qui sont absolument magnifiques. Je les ai vus sur le site web seulement en images. Je n'avais pas vu les dimensions, mais ça rappelle un peu les statues, les fameux lions chinois là, qu'on met souvent dans les entrées, justement. Ils sont vraiment particuliers, puis ils nous accueillent, puis ça donne le ton déjà à l'exposition. On n'est même pas rentré dans la salle qu'on a comme un accueil chaleureux. On entre déjà dans son univers. Exactement. Ma première impression, c'était que les pièces, vraiment, comme elle a vraiment joué plus avec l'espace. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que habituellement, moi, quand je voyais le travail de Lindsay, oui, des fois, elle faisait des sculptures, comme par exemple les chats et tout ça, mais elle faisait beaucoup d'assiettes, tu sais, des assiettes ornementales qui vont au mur. Puis là, dans cette production-là, elle a vraiment été de côté un peu plus sculptural en faisant des pièces un peu plus monumentales. Tu sais, monumentales. Qui occupent un peu plus l'espace, là. Oui, parce que tu sais, il faut savoir que le travail de Lindsay, c'est un travail en céramique, en faïence, qui reprend un peu les objets utilitaires. C'est un petit peu comme un, tu sais, ce qu'on va voir, ça va être plutôt une assiette. Oui, ça va être une assiette ornementale, mais c'est quand même un plat de présentation, par exemple. Ouais. Ou un chaudron ou une flasque ou un vase. Ou un pichet, des choses comme ça. Donc, les objets qu'elle va sculpter donc vont toujours être utilitaires, mais bien sûr, là, ce sont purement esthétiques. Là. Oui, je me sentirais un petit peu mal de me servir un verre d'eau dans un de ces pichets. Personnellement, moi, j'en serais incapable. Mais quand même, c'est le fun parce que là, vraiment, t'es allé explorer un peu l'univers des objets domestiques pour la cuisine, choses comme ça. Puis, aussi, en parlant avec Norbert, le galeriste, parce que j'ai pas eu la chance de parler directement avec Lindsay, en fait, cette exposition-là, qui est l'année du déluge, c'est toute une production qui a été faite pendant l'année de 2020 de la COVID. C'est une production qui a été beaucoup influencée par le sujet aussi de la COVID, puis c'est pour ça que tu sais, elle reprend beaucoup l'iconographie de par exemple médiévale des représentations de la peste noire, des représentations de l'enfer de Dante. Mm-hmm. Ben, on en parlait avant de commencer à enregistrer. On se disait que c'était des illustrations qui étaient très chargées sur les pièces de faïence, puis qui rappelaient un peu justement l'univers de Jérôme Bosch, là, quelque chose de très oui. très chargé. C'est très fantastique, fantasmagorique. Mais tu sais, elle a une iconographie qui est médiévale. Ses dessins rappellent beaucoup les illustrations, par exemple, de Jérôme Bosch, les illustrations qu'on trouvait aussi sur des peintures médiévales carrément. Mais il y a vraiment comme une approche contemporaine à ça. C'est des sujets qui vont toucher au féminisme. Aussi à la culture populaire. Par exemple, il y a un très, très beau vase qui a une belle représentation de David Bowie, oui. qui est absolument exquise. Donc, voilà, elle va vraiment venir mélanger les temporalités, va venir mélanger aussi les sujets, mais tout le temps en restant dans une narrativité qui est assez floue. Tu sais, c'est vraiment libre à interprétation. Tu sais, il n'y a pas nécessairement de réponse à trouver dans ces dessins. On peut se faire ses propres réponses. C'est vraiment comme des univers qui sont non ouverts, mais sont aussi... ça fourmille. Tu sais, ce sont des univers un peu comme... ça me fait vraiment penser aux peintures de Jérôme Bosch, là, comme on disait tantôt, un « Où est Charlie? » là. Oui, c'est ça. C'est comme un « Où est Charlie? » un peu trash que tu me disais que tu avais discuté avec Norbert, justement, quand tu étais à la galerie ce matin, puis que vous vous disiez que on pourrait passer des heures et des heures devant ces pièces-là, puis on trouverait toujours un petit détail. C'est sans fin. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose qu'on avait mal vu, ou quelque chose qui... C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment comme multi-interprétation, c'est équivoque, c'est le fun parce que c'est quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez accessible tout en étant très fort conceptuellement. Puis c'est quelque chose que je parlais aussi avec Norbert, c'est une exposition qui a été très bien reçue par le public. Puis c'est le fun parce que Lindsay touche à elle a comme quelque chose dans son travail qui est à la fois du domaine de l'art contemporain, mais qui est vendable et qui est accessible au grand public et qui, tu sais, qui... C'est accessible, oui, c'est ça. Je lisais l'article qu'ils ont fait dans Le Soleil au sujet de Lindsay, justement. Je crois qu'ils ont dû avoir une entrevue parce qu'il y a des petites citations de Lindsay dedans. Puis elle explique justement qu'elle fait de l'art pour tous, mais que à cause de ses techniques, de son esthétique, des sujets aussi, c'est souvent des personnes de la génération de sa mère et de sa grand-mère qui sont attirées par son art, puis que ça la touche énormément, en fait. C'est quand même drôle parce que ses représentations sont assez... comme on dit, un petit peu trash. Oui, c'est ça, c'est assez trash, mais en même temps, quand on y pense... ces générations-là de nos mères, de nos grands-mères, ce sont les générations qui se sont battues. Pour... C'est ça, totalement. C'est comme le berceau du féminisme contemporain. Ben, ça date encore, mais tu sais, c'est les femmes les plus proches de nous qui ont lutté pour des droits qu'on a aujourd'hui. Donc, ça m'étonne pas vraiment que ça rejoigne ces femmes-là. Puis c'est quelque chose de très présent dans son art, le féminisme, dans l'art de Lindsay Montgomery. La figure de la femme est extrêmement présente. Oui. Puis, même moi, j'avais même dans la tête l'idée de la figure de la sorcière. Tu sais, la sorcière qui est la figure contemporaine de la sorcière qui est en train de... Tu sais, qu'il y a beaucoup d'artistes qui reprennent cette figure-là, qui se l'approprient, puis qui le rendent positif, finalement. Tu sais, qui c'est pas nécessairement négatif, c'est une figure positive. C'est une figure de savoir, une figure contestataire. Puis c'est le fun parce qu'on voit beaucoup ça dans le travail de Lindsay. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour les auditeurs ou peut-être même toi, si tu l'as lu, je me rappelle plus du titre, là, mais c'est le fameux livre de Mona Chollet sur les sorcières. Puis il y a vraiment cette description-là, justement, de la sorcière contemporaine. Puis que dans le fond, la sorcière était vue comme négative parce que c'était une femme sans enfant, sans indépendante. Puis alors que il y avait des connaissances. Très poussée sur la nature, qui se conformait pas finalement aux exactement. Mœurs de l'époque. Puis la nature, c'est quelque chose qui est assez omniprésent aussi dans les œuvres de Lindsay Montgomery. Elle en parle. Très, très aussi. Présent, oui. Le pouvoir de la nature, comme on en voit beaucoup, on voit beaucoup de représentations animales et tout ça. Puis effectivement, oui, ça donne comme un nouveau pouvoir, un nouveau souffle à l'iconographie traditionnelle, disons, qu'on pourrait voir dans des vieilles peintures médiévales. Elle vient vraiment de contemporanéiser cet univers-là. Exactement. Puis pour terminer, Cassandra, tu me mentionnais que l'Instagram de l'artiste, donc l'Instagram de Lindsay oui. Montgomery, est très intéressant puisqu'elle prend des très belles photos, des beaux zoom-ins de ses œuvres aussi. Donc, on recommande vraiment aux auditeurs d'aller visiter sa page Instagram. Oui, puis c'est une artiste qui est extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Fait qu'on peut vraiment avoir des petits sneak peeks, des petits... tu sais, elle est assez généreuse de sa personne sur les réseaux sociaux. Alors oui, je conseille à tous les auditeurs d'aller consulter son Instagram. Ben merci beaucoup, Cassandra, pour cette belle chronique. Donc, l'exposition « L'année du déluge » de Lindsay Montgomery, présentée à la Galerie 3 jusqu'au 18 avril prochain. Nous, on se laisse pour une courte pause. CKRL. Communication. Culture. Vous aimez la gastronomie québécoise et la musique d'ici? Courez la chance de gagner deux lots artistiques et gourmands sur les pages Facebook et Instagram de CKRL. Commentez les publications concours et tentez de remporter du sirop d'érable, du sirop de bouleau ou encore un gin produit par le Dumb & Small, mais aussi une tuque, un chandail et des EP de Melody Spear. Les deux gagnants seront tirés au sort parmi les commentaires dans l'émission de Bouche à oreille ce jeudi 1er avril entre 16h et 17h30 à CKRL. Bonne chance! La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. Ce printemps, à la maison Tessier dit la plante, l'artiste-peintre Cathy Lachance nous dévoile son amour pour les paysages qui marquent son parcours artistique. L'exposition nommée « Tour d'horizon » vous est présentée par la Société d'art et d'histoire de Beauport du 26 mars au 2 mai. Informez-vous sur le sahb.ca pour réserver votre visite ou pour obtenir plus de détails. « Tour d'horizon » de Cathy Lachance, une exposition à voir absolument à la maison Tessier dit la plante. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10 % de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix réguliers en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1ère Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Du 10 au 18 avril, le plus grand événement de l'année, le Festival de Contes et Menteries, vous revient en édition virtuelle, radiophonique et même téléphonique. Avec des spectacles diffusés sur le web, des capsules vidéo et radio, et même des menteries au téléphone avec Jojo et Zangui. Vous retrouvez vos conteurs préférés pour des spectacles grand public, familiaux et pour public averti. Présenté par les Amis Imaginaires, diffuseurs de contes, de légendes et de menteries. Programmation complète et billetterie sur lesamisimaginaires.ca. CKRL 89.1. Nous sommes de retour à l'aérospatiale et nous avons au bout du fil avec nous, au bout de l'écran. Oui, exactement. Christina Fortin et Valérie Boulevard. Et Myriam, c'est toi qui les as invités pour une entrevue à propos de leur exposition « Pouvoir » qui est présentée actuellement au Musée national des beaux-arts du Québec. Exactement. Donc, j'avais envie de les inviter parce que j'ai vu cette semaine, comme sûrement plusieurs personnes l'ont vu passer aussi sur la page Facebook du Musée national des beaux-arts du Québec, il y avait cette belle toile de Renoir, une nature morte avec un gros trou dans le milieu, des traces de brûlure. Puis là, ça parlait d'une histoire excitante là, de vol, puis de feu, puis de toile abîmée. Je me suis dit, mon Dieu, il faut qu'on les reçoive, il faut qu'on parle de cette exposition-là. Donc, comme Jean-Tiane disait, Valérie Boulva, Christina Fortin, bonsoir. Bonsoir. Puis, je vous lance tout de suite, le titre de cette exposition-là, c'est « Pouvoir » avec un S entre parenthèses. Basé sur la collection d'œuvres d'art de feu Maurice Duplessis, qui a été léguée au musée. Puis je me demandais, comment vous avez décidé du titre de cette exposition-là? Ben, en fait, ça, c'était parti du nom des salles de l'exposition de l'exposition, voyons, rétrospective de la collection permanente là, qui est au pavillon Morissette. Oui. Et en fait, chaque nom de salle est un verbe comme ça. Et puis, on s'est demandé de quoi on voulait parler. Puis, une fois qu'on a su de quoi on voulait parler, on a voulu trouver un titre qui s'intégrerait, mais qui aurait une petite différence quand même. Oui, c'est ça, parce que ça fait partie... Un verbe, ouais. Ça fait partie de la salle ressentir du pavillon Gérard Morisset. Oui, c'est ça, des 350 ans de l'art au Québec. Et donc, la salle ressentir, il y a la salle revendiquer, la salle... Il y a toutes croire, ces salles qui portent toutes des verbes. Ouais. Et donc, pouvoir, c'est un verbe aussi, mais c'est aussi un substantif. Ah, d'où on la parenthèse. Oui, d'où la parenthèse, parce qu'on voulait aller chercher plusieurs types de pouvoir. Donc, le pouvoir d'agir, entre autres, le pouvoir politique, le pouvoir, les contre-pouvoirs, disons, d'une certaine façon, puisqu'on a exposé à côté de la collection Duplessis des œuvres d'artistes émergents à l'époque ou d'artistes qui étaient en tout cas pas dans la collection de M. Duplessis mais qui tentaient de faire leur place dans le milieu de l'art au Québec ou qui avaient déjà une place dans le milieu de l'art au Québec et simplement pas dans la collection de M. Duplessis. Et donc tous ces pouvoirs-là aussi puis on s'approchait quand même de la Révolution tranquille, mine de rien. Donc c'était la fin d'une époque aussi, et puis on voulait montrer toute cette confrontation. Il y avait eu évidemment les grands mouvements artistiques là dans les années 48, donc tout ça est en même temps, puis c'est une grande ébullition dont ne rend absolument pas compte la collection du Plessis elle-même, qui est très, très classique, puis qui collectionnait des œuvres anciennes déjà à son époque. Oui, c'est ça. Puis je me demandais, est-ce que c'est votre premier projet de commissariat d'exposition comme ça? Oui, moi, c'était mon premier projet personnellement en tant que co-commissaire, aussi dans une institution aussi prestigieuse que le Musée national des beaux-arts du Québec. C'est grâce à notre stage au DESS en muséologie à l'Université Laval qu'on a eu l'opportunité de créer cette exposition-là. Ça a vraiment été une chance en or. On nous a ouvert les collections du Musée des beaux-arts comme matière première pour créer une exposition. Ce qui était quand même une chance inouïe. On a pu, c'est comme ça qu'on a découvert, entre autres, la collection du Plessis avec ses œuvres européennes qui ne sont pas présentées sur les murs du Musée national des beaux-arts du Québec, vu qu'on a tendance à plus présenter les œuvres québécoises. Donc, on voulait en même temps leur redonner un peu de présence d'origine. C'est en effet également des chefs-d'œuvre sont réputés des peintres européens pour la plupart. Oui, c'est ça, parce qu'on a du Renoir, du Corot, énormément. Ben, le Turner, le fameux Turner qui fait partie de l'exposition en ce moment aussi. Puis, je me demande, Christina, peut-être tu peux m'en parler un peu plus. Comment tu as trouvé ça de co-commissarier un aussi gros projet? Parce que, comme tu le dis, ben, le Musée national des beaux-arts du Québec, c'est une institution très importante à Québec, au Québec et même à travers le monde. Comment tu as trouvé ça de travailler là-dessus, mais aussi de travailler à deux là-dessus? Je pense que nous, du côté à deux, je crois que ça a été une synergie assez implicite. Valérie et moi, on s'entend très bien, puis je crois qu'on a des intérêts très similaires du côté de l'art. On est des gens très curieux, donc il n'y avait pas de limite à notre curiosité. Qu'est-ce qui était vraiment une chance noble, c'est vraiment d'avoir la chance d'avoir des professionnels autour de nous qui nous ont quand même guidés durant la conception de l'exposition, puis après ça, de prendre vraiment une conscience réelle du travail qui est fait en amont de l'exposition. Comment on réfléchit la sélection des œuvres, comment on planifie le transport, le montage, tous ces éléments, ces petites étapes de l'échéancier que les visiteurs ne voient pas, n'ont pas la chance de comprendre tout le travail. Ça prend, pour donner un exemple, l'exposition Pouvoir, on a commencé à la travailler lors de notre stage en 2019? Probablement 2019, mm-hmm. Parce que je travaillais encore au musée et on s'est croisés pendant l'été, ouais. Si je me rappelle bien. Donc, c'était probablement à l'été 2019. Ça fait bientôt deux ans. On a eu le lancement en 2020, en septembre 2020. Donc, ça a pris ce temps-là pour réaliser notre vision. Puis ça m'a quand même, moi, personnellement, dans ma carrière, permis de comprendre toutes les étapes et bien les appliquer au futur dans mes projets. Puis pour toi, Valérie, quelle place a occupé ce projet-là dans ton parcours de commissaire? C'est pour le moment la seule exposition que j'ai commissariée, mais c'était une grosse et très importante. Comme couronnement pour le DESS, ma foi, on pouvait difficilement rêver mieux. Oui, vraiment. C'est pas donné à tout le monde, c'est une chance inouïe. Puis effectivement, on s'est vraiment bien entendu, puis on a été super complémentaires. On a fait le DESS ensemble, donc on se connaissait déjà. Mais ensuite, travailler vraiment en binôme, il faut trouver une synergie, il faut trouver faire avec les forces de chacune, puis les mener au bout. On a vraiment adoré l'expérience. Ça s'est super bien passé. Ah oui, parce que le commissariat, c'est quelque chose... On a l'impression justement que tous ces petits problèmes techniques, mais c'est quelque chose de très créatif. Puis parfois, il y a plusieurs artistes qui pourront en témoigner, des collectifs d'artistes aussi. Parfois, la créativité, c'est difficile à partager, puis à mettre en mots, puis à conceptualiser pour le faire connecter avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment tout à votre honneur. Puis ça paraît même... Je viens des arts aussi, pas du sport de l'art. Ouais. Moi, je viens des arts visuels, j'ai une pratique en art actuel. Donc, je pense que c'est comme moi, c'est ma teinte couleur particulière. En ce moment, je crois que c'est mon œil d'artiste sur ces collections, ces œuvres d'art. Donc, j'essaie de mettre à la place des artistes. Ah oui, c'est intéressant. On avait la chance Moi, entre autres, dans l'exposition, je pense que je suis tombée en amour avec Lucille Martel, une artiste inconnue, oui. Avec une œuvre complètement révolutionnaire, qui a joué un pied de nez à Maillard et l'Académiste, là, oui. de peindre un bikini à poisse, au préalable qu'elle avait mis du savon à vaisselle sur la surface picturale, à peinturer par-dessus en gouache un bikini à poisse. Donc, ça a pris 20 ans avant qu'on enlève son subterfuge pour retrouver la toile originale, mais elle avait prévu le coup. Tu sais, à quel point c'était une visionnaire. Ouais. Puis toi, Christina, étant une artiste actuelle, si Maurice Duplessis était un contemporain, est-ce que tes œuvres se retrouveraient dans sa collection? Absolument pas. Je pense que je serais la dernière à être collectionnée par Maurice Duplessis, mais... ça n'empêche rien. Il était beaucoup plus attiré vers le paysage, quelque chose de classique, des représentations typiques, un peu plus photoréalistes. Donc, je pense qu'il y a toujours un goût et une place pour ce type d'art, mais le mien, c'est pas pareil. Oui, mais c'est pour ça que je te posais la question, étant donné que c'est ce que vous avez tenté de faire aussi avec l'exposition, de montrer le contraste entre ce qui se passait contemporainement à Maurice Duplessis et la collection qu'il montait, puis avec ses goûts personnels qui étaient plus anciens, disons. Là. Valérie, t'allais dire quelque chose à ce sujet-là. Ouais. En même temps, si Maurice Duplessis était vivant maintenant, en fait, Christina penserait même pas être dans sa collection parce que à l'époque, personne ne savait qu'il avait une collection, à part les gens très, très proches de lui. C'était pas du tout connu de ses électeurs, entre autres, qu'il était un collectionneur d'art, qu'il aimait l'opéra, qu'il lisait de la grande littérature. Il passait un peu pour un inculte, mais il avait un cours classique. C'était vraiment quelqu'un qui s'y connaissait un peu, puis qui avait un certain goût très classique, effectivement. Donc, il n'aurait pas forcément aimé l'œuvre de Christina, mais Christina n'en aurait rien su de toute façon, parce que personne parmi les artistes aurait pensé à cette époque-là être peut-être un jour collectionné par Duplessis. Et effectivement, il n'a pas collectionné grand monde de son vivant. Je crois qu'il y a un artiste contemporain de lui qui est dans sa collection, mais c'est un art assez classique aussi, puis c'est du paysage très, très figuratif, là. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est, je pense que Christina, ça lui, elle aurait pensé à beaucoup d'autres personnes avant de plus. C'est un bon point, bonne réponse. Puis, si on peut passer un peu de temps aussi là-dessus, parce que là, moi, ce qui a attiré mon attention sur l'exposition, c'est, comme je disais, la toile de Renoir brûlée, qui c'est quand même, c'est sensationnaliste. On aime ça, les histoires palpitantes comme ça, qui impliquent la police, oui. Interpol, des vols et tout ça. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? L'histoire de cette peinture-là? Parce que vous avez passé beaucoup de temps sur cette histoire-là dans vos recherches dans les archives du musée. Oui, en effet. Ça a été super long pour essayer de comprendre, puis pour lire tous les articles de journaux qu'il y avait dans le dossier de presse, puis même en trouver d'autres à BNQ numérique, par exemple, pour compléter un peu l'histoire du procès, parce qu'il y a eu un procès suite au vol. En fait, le Renoir, c'est un premier vol qui n'a rien à voir justement avec le deuxième vol qui, lui, a été... a fait appel à Interpol, etc. Le premier vol, c'est un gardien du musée qui a décidé de voler le Renoir, puis il a fini par mettre le feu. Il avait été viré, en fait, du musée, renvoyé, puis il a volé ce Renoir, puis une fois qu'il s'est senti proche d'être interpellé par la police, ben en fait, il a mis le feu. On ne sait pas exactement comment, parce que c'était contradictoire dans le dossier. Soit il a mis le feu avec une allumette, soit dans son four, mais bref, le Renoir a fini avec un gros trou. Donc, au final, ça change pas grand-chose. Mais l'autre histoire du plus gros vol est énorme. Ah oui, c'est ça. Elle est bien décrite en salle, là. Il y a quand même... elle est assez bien décrite. Donc, là, on a peut-être pas le temps de la raconter parce que c'est rocambolesque. Oui, ben on va laisser le suspense aux gens. On va leur laisser le plaisir de découvrir cette histoire-là. D'ailleurs, avec l'annonce qui a été faite ce soir du reconfinement, j'encourage les auditeurs à aller sur le site web des collections du Musée national des beaux-arts du Québec. Il y a un album qui a été fait avec ces œuvres-là. Comme ce sont des œuvres anciennes, si je me trompe pas, toutes libres de droit, ou en tout cas pour la majorité. Oui. Oui. Puis, il y a une description aussi, justement, du vol, il y a une description de l'histoire de certaines de ses œuvres, puis des très bonnes descriptions détaillées aussi des artistes qui sont représentés dans la collection Maurice Duplessis. Mais, tout à fait, ouais. Merci beaucoup, Valérie Bouleva et Christina Fortin, de nous avoir parlé de votre exposition « Pouvoir » qui est présentée dans la salle « Ressentir » du pavillon Gérard Morisset du Musée national des beaux-arts du Québec. Nous, on se laisse pour une courte pause musicale et au retour, c'est déjà le moment de l'agenda de la semaine et la fin de l'émission. Você daí, você de lá, enchendo os meus olhos aqui do pau. Há muito tempo estamos reclamando o rumo do país, mas agora não dá mais. Só nos resta é sacudir em paz, só nos resta querer viver bem mais. E o que me importa é que você agora possa estar aqui. Salve a vida, salve o amor e vem curtir. Clima, explodindo a vida pra cima. Chega de subir, e vai dar pra falar. Você daí, você de lá, enchendo os meus olhos daqui do pau. Há muito tempo estamos reclamando do rumo do país, mas agora não dá mais. Só nos resta é sacudir em paz, só nos resta querer viver bem mais. E o que me importa é que você agora possa estar aqui. Salve a vida, salve o amor e vem curtir. Explodindo a vida pra cima. Chega de subir, e vai dar pra falar. Mangueira, pardonnez-moi mon portugais brésilien, donc de l'album de Soy Jorge, toujours l'album Carolina qui nous est suggéré par Simon Roy cette semaine pour mettre un peu de chaleur et de joie dans cette période sombre et pluvieuse, d'annonce sombre. De région noire. De région noire. Et vous êtes à l'Aérospatiale, le magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. avec Jean-Tienne Lafrance et Myriam Leland. Et c'est le moment de l'agenda de la semaine. On vous avait préparé un bel agenda et tout tombe à l'eau. Mais toutefois, il y a quand même Fanny Ménard qui va probablement faire sa conférence puisque c'est sur Zoom. Ça va être mercredi prochain, le 7 avril, et elle va présenter sa démarche artistique en s'attardant plus particulièrement sur son approche de la céramique. Donc, c'est un événement qui est organisé par la Maison des métiers d'art de Québec où l'artiste fait une résidence de création au département de céramique. Donc, la conférence va avoir lieu le mercredi 7 avril à midi sur Zoom et on demande aux gens de s'inscrire. Donc, on s'inscrit d'avance pour pouvoir y participer. Et c'est la dernière semaine, là, on est jusqu'à lundi. On peut profiter de l'espace extérieur, de l'espace public pour aller faire le parcours jardin d'hiver et aller découvrir les lapins géants. Donc, quand ils ne vendent pas, quand il fait beau, les lapins sont gonflés. Moi, j'ai essayé d'y aller la fin de semaine dernière et puis je suis arrivée, ils n'étaient pas là. Mais oui, surveillez les réseaux sociaux de Manif d'art. Là, ils annoncent là, le matin même si les lapins, si le vent est clément pour ces fameux lapins qui sont présentés donc au lieux historiques nationaux du parc Cartier-Brébeuf. Et puis, il y a toutes ces œuvres d'art dont on a parlé avec Delphine Egesbar sur deux chroniques dans les dernières semaines qui sont présentées un peu partout dans le centre-ville de Québec. Donc, on a Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, le Vieux-Québec. Donc, une belle façon de voir de l'art en dehors des murs du confinement, Myriam Leland. Oui, exactement. Bien, merci pour ce bref agenda de la semaine, Jean-Tienne Lafrance. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec et en ligne, ces temps-ci surtout en ligne, puisque nous gardons un calendrier le plus à jour possible des événements. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Pour terminer, on fait un grand merci à nos invités Audrey Demers-Roberge, Valérie Bouleva et Christina Fortin. Et Sarah Leroux. Et Sarah Leroux, ben oui, j'oublie tout le temps Sarah Leroux. Et pourtant, quelle belle entrevue tu nous as préparée, Jean-Tienne. Puis on remercie également notre chroniqueuse de la semaine, Cassandra Graham. On fait un petit merci spécial ce soir à l'équipe de la Galerie 3 qui a permis à Cassandra de visiter hors des heures d'ouverture. Donc, merci beaucoup, entre autres, à Norbert. Puis finalement, comme à chaque semaine, un salut spécial à notre Renoir de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a hâte de retrouver en studio un jour. On se croise les doigts, là, peut-être quand on sortira de la zone noire. En zone grise. Oui, peut-être en zone grise. Donc, on se laisse sur un dernier extrait de l'album Carolina de Céo Georges et on se dit à la semaine prochaine, Jean-Tienne Lafrance. Oui, en pré-enregistré. En pré-enregistré, bien sûr. É hora do funk, rapaziada. Vamos exaltar aquela comunidade maravilhosa. Alô, Mangueira! Beleza? Se liga. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. We'll be right back.